Lisbeth revint dîner rue Louis-le-Grand, le désespoir peint sur la figure. Elle expliqua, commenta le contrat de mariage et trouva Célestine insensible autant que Victorin à cette désastreuse nouvelle. « Vous avez irrité votre père, mes enfants. Madame Marneffe a juré que vous recevriez chez vous la femme de Monsieur Crevel et que vous viendriez chez elle, » dit-elle. « Jamais, » dit Hulot. « Jamais, » dit Célestine. « Jamais, » s'écria Hortense. Lisbeth fut saisie du désir de vaincre l'attitude superbe de tous les Hulots. « Elle paraît avoir des armes contre vous, » répondit-elle. « Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais je le saurai. Elle a parlé vaguement d'une histoire de 200 000 francs qui regarde Adeline. » La baronne Hulot se renversa doucement sur le divan où elle se trouvait, et d'affreuses convulsions se déclarèrent. « Allez-y, mes enfants !» cria la baronne. « Recevez cette femme ! Monsieur Crevel est un homme infâme. Il mérite le dernier supplice. Obéissez à cette femme ! Ah, c'est un monstre ! Elle sait tout !» Après ces mots mêlés à des larmes, à des sanglots, Madame Hulot trouva la force de monter chez elle, appuyée sur le bras de sa fille et sur celui de Célestine.